brume se lève, lourde d'angoisse, sous les chênes, la nuit danse. Riders qui avance, lourde silence. Chaque pas frappe, brise en l'absence. Les pierres racontent mille batailles, chaque cicatrice une médaille. Les bras levés sous le ciel gris, mais on marche droit, on marche droit, jamais soumis. Les flammes dansent au creux des ombres, nos âmes tiennent la peur en succombe. Les voix s'élèvent en prière profonde. Un chant d'espoir sur ce sol qui gronde. Riders qui veillent, sentinelles fidèles, protège ses frères gardiens du ciel. Dans cette lutte, rien n'est laissé. Sous la pluie, sous l'orage, nous bâtissons un nouveau voyage. Les sentiers brûlent. Face à notre foi, ils sont brisés. La nuit s'éloigne, le feu crépite. Nos mains se serrent, jamais enfuies. La solidarité forge la chaîne. Dans chaque regard, une haleine. On avance unis. Même quand tout semble sévère, un vent chaud souffle sur la plaine, le sol tremble, la voix se déchaîne. Les sabots martèlent le sol humide. La charge arrive, la voix rapide. Riders qui hurlent l'esprit de guerre. Pour porter repousse l'enfer. Dans l'écho, la victoire s'annonce. Sur cette terre, l'espoir s'élance. Le calme revient, fragile et tendre. Mais sous la surface, nos âmes liées par la foi, dans ce monde qui ne dort pas, on tient bon malgré la peur, on avance porté par le cœur, les feuilles frémissent, la nuit. chaque souffle porte notre route. Rider Skill sourit, prêt à frapper. Dans la forêt, rien ne peut plier. Une torche brille, un cri s'élève. La troupe s'unit, rien ne la soulève. Sous les cieux, la guerre est sainte. Chaque pas écrit la plainte. Chaque nom gravé dans la roche. Chaque bataille forgera mort. Veilleur de l'ombre, bras levés haut. Riders Guild guide fier et chaud. Dans Russe nos voix percent la nuit. Chaque victoire. Se lève, la brume se dissipe, mais la lutte vit dans chaque cri.